إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc nous continuons inshallah tabarak wa ta'ala notre lecture ainsi que les commentaires et les remarques sur le livre intitulé Al-Wajiz fi fiqh al-sunnah wa al-kitab al-aziz. Concernant le cours de la semaine dernière, on avait entamé le livre de la prière. Qui peut me donner la définition de la prière, la définition littérale et juridique du terme as-salah? Non. As-salah lughatan ad-du'a. Aywa. Ad-dalil. Donc, le Faradi, as-salah lughatan ta'ni ad-du'a. La prière, le mot as-salah au niveau de la langue arabe signifie la vocation. Quelle est la preuve? Non. إن الله وملائكته يصلون على النبي. نعم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحسنت. إيه لا بروف إيه لو فيرسي الله سبحانه وتعالى دي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أو vous qui avez cru, priez sur lui, c'est-à-dire sur le prophète عليه الصلاة والسلام, priez, c'est-à-dire invoquez pour lui, وسلموا تسليما, et accentuez dans le salut. طيب. Donc ça c'est la définition de la prière. Au niveau de la langue arabe et au niveau de la religion, qu'est-ce que signifie la prière? Quelle est la définition? Non. هي عمل. Non. قولاً وفعلاً. Bon, comment dire que. Dis-le en français si tu veux pas le dire en arabe. Des actes et des paroles. Aïe. Qui commence par takbir et qui finit par taslim. Excellent. Donc la prière shar'an, istilahan, ça signifie des actes et des paroles qui commencent par le takbir et qui finissent par le taslim. Il y a aqwal wa a'mal tubda'u bi takbirati bi ihram wa tantahi bi taslim. طيب, on avait parlé des prières obligatoires. Combien sont-elles? Non. Ce sont de 5. Quelles sont-elles? Al-Dhuhra. Eh ouais. Non. Al-Maghriba. Pourquoi tu as commencé par Ad-Dhuhr? Donc le frère a dit, il y a 5 prières obligatoires: Ad-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha et Al-Fajr. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est vrai. Mais là je vous rajoute une autre question: pourquoi est-ce qu'on commence par Ad-Dhuhr? Pourquoi pas par Al-Fajr? Parce que Al-Fajr c'est un rendement de. Allah Alam, c'est mieux. Qui sait? Qui connaît la réponse? Pourquoi est-ce que le mu'allif ici, l'auteur, a commencé par Ad-Dhuhr? Parce que la plupart des hadiths du prophète alayhi sallam, lorsqu'il parle des prières et des heures des prières, il commence par Ad-Dhuhr. Waqtu salat al-dhuhr min zawal al-shams. Beaucoup de hadiths du prophète alayhi sallam, lorsqu'il parle des prières, il commence par la prière de Ad-Dhuhr. Mais d'autres savants ne sont pas de cet avis, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Lui, il considère qu'il faut commencer par Al-Fajr. Pourquoi? Il dit car il y a des hadiths du prophète alayhi sallam aussi où le prophète alayhi sallam commence par Al-Fajr. Madalan, des hadiths rapportés par Sahih Muslim où le prophète alayhi sallam dit Ida sallaytumul al-Fajr. Il commence par citer Al-Fajr. D'autres hadiths rapportés également dans Sahih Muslim où le prophète alayhi sallam commence à citer Al-Fajr. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah leur répond en leur disant qu'il y a aussi des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite Al-Fajr. C'est vrai que la plupart des hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par citer Al-Dhuhr, Mais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a rapporté un autre argument pour prouver qu'il faut commencer par Al-Fajr, par la première prière de la journée est Al-Fajr, car il dit, car As-Salatul Wusta, la prière du milieu, quelle est-elle? Al-Asr. Si on commence par Al-Duhr, est-ce que Al-Asr? Non. Il faut obligatoirement commencer par Al-Fajr. Al-Fajr, ensuite Al-Duhr, Al-Asr, là elle est Salatul Wusta, puis Al-Maghrib et Al-Isha. Là on voit le fiqh de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yani, à la kulli hal, ce sont que des appellations. Yani, une personne qui veut commencer par, lorsqu'on dit qu'elles sont les cinq prières, s'il commence par Ad-Dhuhr, yani, il se base sur les hadiths du Prophète sallam, la plupart des hadiths où le Prophète sallam a commencé par Ad-Dhuhr, ou bien s'il veut se baser sur l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, yani, ce ne sont pas des sujets où on doit trop s'endurcir dessus. Celui qui veut commencer par Ad-Dhuhr, il commence par Ad-Dhuhr. Celui qui veut commencer par citer Al-Fajr, il commence par citer Al-Fajr, yani Al-Amr Wasi'a. Al-Amr Wasi'a. Tayyib, quelle est la preuve qu'il y a cinq prières? Qui peut me citer au moins un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve qu'il y a cinq prières obligatoires? Non. Lorsqu'il a fait l'ascension, le prophète Hazrat Salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire cinq prières qui seront récompensées comme si 50 avaient été faites. Non. Taïb, manzilatuha, on avait aussi parlé du statut de la prière. Quel est le statut de la prière? Il faut toujours que ce soit les mêmes. Non. C'est un pilier de l'islam. Quelle est la preuve? الحديث الأقرب إلى حديث قوة السلام بني الإسلام على خمس شهادتين لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. Dans ce hadith, il y a la preuve que la prière est un pilier de l'islam. Ensuite, on avait parlé du jugement de celui qui la délaisse. حُكْمُ تَارِكِهَا. Qu'est-ce qu'on avait dit sur celui qui délaisse la prière? Quel est son jugement? Non. C'est un kufr al-asghar. C'est une mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais on avait cité les deux avis des savants. Le premier avis qui considère que celui qui délaisse la prière est un kafir, est un mécréant qui sort de l'islam. Quelle est leur preuve? Non. La preuve est le hadith du prophète alayhi wa sallam. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Donc ça c'est la preuve de ceux qui considèrent, des savants qui considèrent celui qui délaisse la prière comme étant un mécréant qui sort de l'islam. Wallahu a'lam. Et l'autre avis, quel est-il? L'autre avis qui disent, et d'autres savants qui disent que celui qui délaisse la prière ne sort pas de l'islam. Il est musulman, mais il ne sort pas de l'islam. Et on avait cité un sujet dans lequel, un point plutôt dans lequel tous les savants sont d'accord. Non. Celui qui considère qu'elle n'est pas obligatoire, celui qui nie le fait que la prière est obligatoire, هذا كافر بإجماع العلماء. Lui, il est mécréant à l'unanimité des savants. Pourquoi? Pourquoi? Car il renie un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran de faire la prière. Donc faire la prière, accomplir la prière est une obligation. Et celui qui ne croit pas en cette obligation, celui qui la renie, lui, il sort de l'islam. Et qui a le statut de juger une personne si elle est mécréante ou pas? Est-ce que c'est n'importe qui? Parce que là, on est d'accord que les savants sont unanimes sur celui qui renie l'obligation de la prière est mécréant. Donc si quelqu'un devant vous vient et renie l'obligation de la prière, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on a le droit de juger cette personne, de dire « Antaka Afir » Non. C'est du ressort de qui? De Tolab al-Ilm? Des étudiants en sciences? Non, C'est du ressort de qui? C'est le ressort des grands savants. Car il y a une règle en islam, laisse kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi. Ce n'est pas forcément une personne qui tombe dans la mécréance, toute personne qui tombe dans la mécréance n'est pas forcément mécréante. La Bouddha min ifa shurut wa intifa mawani'. Et savants disent, pour qu'une personne devienne mécréante, il y a des conditions qui doivent être respectées, wa intifa mawani'. Et il y a des contraintes qui doivent être levé. Pour rendre quelqu'un mécréant, il faut que des conditions soient appliquées, soient accomplies, et il faut que des contraintes soient levées. Par exemple, un exemple de contrainte. Al-ikrah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Celui qui est forcé. Celui à qui, par exemple, on a menacé de mort. On lui a menacé de mort, on lui a dit que si tu ne considères pas, si tu ne renies pas l'obligation de la prière, tu es mort. D'accord ? Une personne, elle peut très bien être menacée. Donc ça, c'est une contrainte. Et pour rendre quelqu'un mécréant, il faut ôter toutes les contraintes et que toutes les conditions soient appliquées. Parmi les conditions qui doivent être appliquées, une seule. Qui peut m'en citer une ? Il faut d'abord que la personne sache que la prière est obligatoire. Ça, c'est une condition. À partir du moment où elle l'a su et qu'elle a renié, là, le jugement peut être fait. Mais dans tous les cas, qui a le statut de juger une personne, c'est les mécréants ou pas? Ce sont les savants. Les musulmans n'ont pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné le statut ou l'obligation de rendre un tel mécréant. Tu as le jugement général. Celui qui renie l'obligation de la prière, lui, c'est un mécréant. Mais ensuite, appliquer ce jugement à telle ou telle personne, ça, ce n'est pas notre ressort. Ça, c'est du ressort de Kibar al-Ulama. C'est le ressort des grands savants. Et parmi aussi les conditions, comme l'a dit le frère, iqamatul hujjah. Il faut montrer la vérité d'abord à cette personne. Et montrer la vérité sous de bonnes formes. Montrer la vérité clairement. Et qui montre la vérité clairement? Est-ce que c'est toi ou moi ou n'importe qui? Non, ce sont les savants. Un savant, lorsqu'il explique une chose, il l'explique clairement. Une personne qui l'écoute, la chose est claire, elle est comprise. Et après cette explication du savant, si la personne renie, là le savant a le statut de dire, lui, je lui ai montré la vérité, il l'a renié, oh, ok, faire. Mais ça, c'est du ressort des savants. Pourquoi est-ce que c'est du ressort des savants? Parce que ce n'est pas une chose facile de rendre quelqu'un mécréant. C'est une énorme responsabilité. Comme l'a dit l'imam al-Shawkani rahimahullah, celui qui rentre dans l'islam, il est musulman et son islam est clair comme le soleil en pleine journée. Et celui qui rentre dans l'islam avec clarté doit en ressortir avec clarté. Celui qui rentre dans l'islam avec clarté doit en ressortir avec clarté. C'est-à-dire que son kufr, il doit être wadih. Ça doit être une chose claire. Et de rendre quelqu'un mécréant, qu'est-ce que ça signifie? S'il est marié, il va divorcer. S'il meurt, qu'est-ce que ça signifie? Ses enfants n'héritent pas de lui. On ne prie pas sur lui. On ne le lave pas. On ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans. Et dans son vivant, qu'est-ce que cela signifie? Dans son vivant, qu'est-ce que cela signifie? Qu'il est kafir. D'accord? Et dans l'akhira, qu'est-ce que cela signifie? Qu'il est en enfer. Et tous les jugements qui sont en rapport avec une personne qui est non-musulmane. Donc de dire à quelqu'un « Anta kafir », c'est une chose très grave. Et au-dessus de cela, il y a un hadith du prophète Aïssa Salam, celui qui dit à son frère, Anta kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. La mécréance atteindra obligatoirement l'un d'entre eux. Si toi tu dis à ton frère, Anta kafir, tu es mécréant, la mécréance retombera sur l'un de vous. soit c'est lui parce qu'il la méritait, ou soit c'est toi car tu as dit à ton frère qu'il est mécréant alors qu'il ne l'est pas. À partir du moment où tu dis à ton frère « Anta kafir », la mécréance tombe obligatoirement dans l'un d'entre vous. Est-ce que l'un d'entre nous aimerait que la mécréance tombe sur lui ? Pas d'elle. Donc, qu'on retienne nos langues et qu'on laisse les savants leur statut et qu'on laisse cette responsabilité aux savants. Qu'on se contente du jugement général. Le jugement général, on le connaît. Ensuite, appliquer ce jugement à telle ou telle personne, hada, ça c'est du ressort des savants. Taïr, quelle est la preuve? Quelles sont les preuves qu'ont apporté les savants qui considèrent celui qui délaisse la prière comme n'étant pas mécréant? Elle est awala, une petite parenthèse que je veux faire. Lorsque les savants qui considèrent celui qui délaisse la prière comme n'étant pas mécréant, est-ce que ces savants rabaissent l'importance de la prière en disant ça? Abadan. Au contraire, ils disent il n'est pas mécréant, mais il est fasiq, c'est un pervers. Ala abwab al-kufr, il est aux portes de la mécréance. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a même cité que celui qui délaisse la prière, c'est pire que de boire l'alcool, pire que de faire az-zina, l'adultère. Bel, l'imam Ibn al-Qayyim dit wa huwa ashaddu min qatli an-nafs, c'est pire que de tuer quelqu'un. Celui qui délaisse la prière, il a fait un péché plus énorme que de tuer une personne. Et quand tu dis à quelqu'un, t'as tué une personne, a'oudou billah, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi ci, pourquoi ça? Mais quand tu vois, il ne fait pas la prière. Il ne fait pas la prière. Maintenant, à notre époque, c'est tellement banal que, ouais, les cœurs, ils sont endurcis. Alors que cette personne, en vérité, elle a fait un péché qui est pire que de tuer quelqu'un. Non. Donc, non. Tu sais, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a demandé à l'Église de se prosterner devant Adam, il lui a donné cet ordre-là. Est-ce que c'est un ordre de prière ou c'est un ordre juste de prosternation? De prosternation. De prosternation. Non. Donc les savants, lorsqu'ils disent celui qui délaisse la prière, ce n'est pas un mécréant, faut pas que la personne adore sur ses lauriers. Faut pas que celui qui délaisse la prière dise c'est bon, moi je suis musulman, inshallah, moi je suis anatahta al-mashi'a, je suis sous la volonté d'Allah. S'il veut me pardonner, il me pardonne. S'il veut me châtier, inshallah, j'espère qu'Allah va me pardonner. Non, arrête, ça passe pas comme ça. Au contraire, tu es en grand danger. Tu as plus de chances d'aller en enfer que d'aller au paradis. Tu es même au bord de la mécréance. Tu es au bord de la mécréance. Donc, le fait que certains savants ou la plupart des savants considèrent celui qui délaisse la prière comme étant musulman, cela ne veut pas dire que de délaisser la prière n'est pas un grave péché. Bel, c'est le plus grave péché après ash-shirk billah. Après associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala, le pire des péchés, c'est de délaisser la prière. Non. Donc, on revient à la preuve ou au hadith qu'ont utilisé les savants qui considèrent celui qui délaisse la prière comme étant musulman et ne sortant pas de l'islam. Qui peut nous citer les hadiths qu'ils ont utilisés pour prouver cela? Non. Non, tafadhal. Celui qui a la tombe de la ilaha illallah, il rentrera au paradis. On avait cité ce hadith la semaine dernière? Non. On n'a pas cité ce hadith. Hier, la semaine dernière, on avait cité trois hadiths. Parmi les hadiths, quand le prophète a assassiné, il a dit que celui qui fait attention à ses prières, que ne connaît pas le hadith d'Arabi Lahab. نعم فسي لكم حديث كنا بسيتي خمس صلوات كتبهن الله على العباد دونك on a cité le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام où il dit 5 prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire envers ses serviteurs. Celui qui les accomplit correctement et sans manquer à leur égard, Allah subhanahu wa ta'ala prend l'engagement كان له عند الله عهد an yudkhilahu al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala prend l'engagement de le rentrer au paradis. Et celui qui les délaisse ou wa man lam ya'ti bihin, et celui qui ne les accomplit pas les cinq prières, falaysa lahu 'indallahi 'ahd. Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas d'engagement à son égard. In sha'a 'azabahu wa in sha'a ghafara lahu. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut lui pardonner, il lui pardonnera. S'il veut le châtier, il le châtiera. Et on avait dit que la preuve dans ce hadith, c'était le fait que le prophète a dit Insha'a azabah wa insha'a ghafarallah. S'il veut, il lui pardonne. S'il veut, il le châtie. À partir du moment où il y a cette volonté, cette possibilité de pardonner, automatiquement la personne n'est pas mécréante. Car une personne mécréante, lorsqu'elle meurt en étant mécréante, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et un autre hadith qu'on avait cité. Allah azza wa jalla, il a dit que le prophète a dit que la première chose qu'on va être sur laquelle on va être interrogé, ça va être Allah. La première chose qui sera demander au serviteur le jour du jugement, c'est la prière. Si elle a été bonne, on demandera est-ce qu'il a, s'il y a un manque dans cette prière à foi, on demandera, Allah subhanahu wa ta'ala demandera est-ce que cette personne a fait des prières surérogatoires. D'accord ? Donc à partir du moment où il y a un manque partiel ou total de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala va demander si cette personne a fait des prières surérogatoires qui pourront compléter ce manque. D'accord ? Et à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala demande est-ce qu'il y a du prière surérogatoire, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de pardon. Donc, que la personne est musulmane. Taïb, on continue, inshallah tabaraka wa ta'ala. قال المؤلف على من تجب تجب على كل مسلم عاقل. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. حديث صحيح رواه أبو داود. Donc ensuite le cheikh dit envers qui la prière est obligatoire. Envers qui la prière est obligatoire. La prière est obligatoire envers tout musulman pubère et qui a sa raison. La preuve est le hadith de Ali radiallahu anhu qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit la plume est levée sur trois personnes, sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, sur l'enfant jusqu'à ce qu'il atteint l'âge de la puberté, wa anil majnouni hatta yaqil, et sur celui le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Hadith authentique apporté par Abu Daoud. Donc dans ce hadith, le prophète a dit rufi al-qalam 'an thalatha, c'est-à-dire que la plume est levée sur trois personnes, c'est-à-dire que les anges n'écrivent pas les bonnes et mauvaises actions de ces trois personnes. Quelles sont ces trois personnes? An-na'im hatta yastayqiz, sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Une personne, lorsqu'elle dort, elle n'est pas responsable de ses actes. Wa an as-sabi hatta yahtalim, et de l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Donc un enfant, lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, les anges ne notent pas ses bonnes et mauvaises actions. Wa an al-majnun hatta yaqil, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Donc la prière est obligatoire sur toute personne hormis ces trois. La prière est obligatoire sur toute personne qui est musulmane, qui a atteint l'âge de la puberté et qui a la raison. ويجب على ولي الصبي أن يأمره بها وإن كانت غير واجبة عليه ليتعود المحافظة عليها. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود. Et il est obligatoire sur la personne qui a la responsabilité de l'enfant, ses parents ou bien son tuteur, de lui ordonner de faire la prière, même si cette prière n'est pas obligatoire envers lui, afin qu'il en prenne l'habitude. La preuve est le hadith de Amr ibn Shu'ayb, qui rapporte selon son père, qui rapporte selon son grand-père, qui dit que le prophète alayhi sallam a dit: ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans et frappez-les, wadribouhum alayha, et frappez-les s'ils refusent à l'âge de 10 ans, wa farriqou baynahum fil madaji, et séparez-les entre eux dans les lits. Non. De quelle façon frapper? J'arrive, tiens. C'est juste le temps de lire le hadith. Hadith Hassan, hadith bon rapporté par Abu Daoud et Al-Hakim. Donc dans ce hadith, le prophète a dit: ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans. Moro, ordonner, certains savants ont considéré cela comme une obligation. Comme Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah considère que c'est une obligation pour les parents d'ordonner à leurs enfants de faire la prière à l'âge de 7 ans. Et ce n'est pas la personne qui dit: non, si je veux lui ordonner, je lui ordonne, sinon non. Non. Le prophète a dit: Mouru awladakum bis salah. Et on avait dit, la base dans l'ordre du prophète, c'est que c'est une obligation jusqu'à la preuve du contraire. Mouru awladakum, ordonnez à vos enfants. Ici, les enfants, les savants disent, ça englobe les filles et les garçons. Ce n'est pas seulement les garçons. Mouru awladakum bis salah, ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière. Les savants ont dit, et à côté de cela, il faut aussi leur ordonner de faire à l'ourdo. Pourquoi? Car il n'y a pas de prière sans ablution. Donc ordonner, donc l'explication du hadith, ordonner obligatoirement à vos enfants, qu'ils soient des filles ou des garçons, de faire la prière ainsi que les ablutions à l'âge de 7 ans. Wadribouhum alayha, et frappez-les si ils refusent. Wahum abna'us ashr sinin, et frappez-les à l'âge de 10 ans. Et les savants ont dit: frappez-les ad-darbu al-ghayru al-mubarrih, darbun yanfa' wa la yadur. Il faut, le fait de frapper, c'est plus tapoter. Yani, de tapoter les enfants, de les frapper doucement, plus pour les intimider, d'accord? Et il faut que le fait de les frapper de cette sorte soit un bienfait, elle apporte un bénéfice et non un préjudice. Non. Il y a un khilaf des savants sur ça. Est-ce que il est autorisé de frapper les enfants en dehors des prières? Parce que le prophète a dit: Wadribouhum alayha wa hum abna'u 'ashr. Certains savants comme Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit qu'il est autorisé de frapper les enfants uniquement lorsqu'ils délaissent la prière. En dehors, on n'a pas le droit de frapper les enfants. Et d'autres savants disent que tout dépend du besoin. Et certains enfants qui, si tu ne les frappes pas, quand on dit frapper, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas tabasser, c'est des enfants. Quand on dit des enfants, si on ne les frappe pas, ils ne peuvent pas être éduqués, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ont besoin qu'on leur fasse peur. Il y en a, c'est des rebelles, il faut dire la vérité. Il y en a, c'est des petits nounours, il y en a d'autres, c'est des rebelles. On est obligé d'utiliser la force pour leur faire comprendre les choses. Et là, c'est du cas par cas. Mais c'est vrai que Cheikh Ibn Rahimahullah lui considère que, en dehors de la prière, il n'est pas légiféré de frapper l'enfant. Et les savants disent, et le fait de frapper, il faut que ce soit bénéfique. Et non, il ne faut pas que ce soit un préjudice. Il faut que le fait de le frapper apporte un plus, apporte un bien. Il ne faut pas que le fait de le frapper empire la situation. Et ça, c'est à la personne de voir, en fonction de son enfant, en fonction de son caractère, etc. Parce que si tu frappes ton enfant, et le fait de le frapper et bien ça a fait qu'empirer les choses. Et toi tu dis non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit faut frapper. Et après, il y a des fois où le fait de frapper les enfants, certains enfants, ils n'acceptent pas. Il faut utiliser un autre moyen pour qu'ils comprennent qu'ils doivent faire la prière. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Et juste concernant la prière, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah était questionné, est-ce que l'on doit réveiller nos enfants pour salat al-subh? Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, lorsqu'ils ont 10 ans, oui. Lorsqu'ils ont 10 ans, oui. Et lorsqu'ils ont 7 ans, et année, cela dépend des situations. Et lorsqu'ils ont 7 ans, cela dépend des situations, mais il est préférable de les lever même à l'âge de 7 ans. C'est préférable et non obligatoire. Par contre, à l'âge de 10 ans, il est obligatoire de les lever même pour ça. Êtes-vous en train de tapoter l'enfant ou pas? Il n'y a pas d'endroit précis. Écoutez le visage, je crois. Oui, le visage, dans tous les cas, le visage. Il faut éviter de frapper le visage dans tous les cas. On va faire les courbes et séparez-les dans les lits, séparer entre eux dans les lits. À l'âge de 10 ans, les enfants ne doivent plus dormir dans le même lit. Et les savants ont dit il faut séparer les garçons entre eux et les filles entre elles, et les garçons et les filles entre eux. D'accord? Il y en a qui disent non, mais c'est seulement un garçon et une fille, il ne faut pas qu'ils dorment dans le même lit. Non, après, même deux garçons, ils ne doivent pas dormir dans le même lit à l'âge de 10 ans. Il faut les séparer. Non. Là, c'est dans, on ne sépare du lit, mais... Le madarjia, c'est les lits. Les lits. Et on n'était pas obligé de les séparer de la chambre. Le madarjia, c'est l'endroit où ils dorment. C'est le lit. D'accord? Et ça, c'est la hikma, parce que les savants disent qu'à l'âge de 10 ans, l'enfant commence à avoir cette façon commence à ressentir du plaisir, de la shahwa. Et le fait de laisser les enfants dans le même lit, cela peut créer des masailles, mais des masailles bien âgées qui sont arrivées. D'accord? Et donc de séparer dans le lit, ça c'est ce qui est cité dans le hadith. Après, le mieux, c'est de les séparer carrément des chambres. Et de mettre les garçons dans une chambre et les filles dans une autre. Mais ça, c'est plus un problème d'éthique, un problème de parce que la fille veut changer ses vêtements, etc. D'accord? Ça n'a pas un rapport avec le fait de dormir. Non. Taïb, al-mawaqit. Donc, les heures de prière. Al-mawaqit, les horaires. An Jabir ibn Abdillah, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, ja'ahu Jibril alayhi salam, faqala lah, qum fasalli, fasalla al-zuhra hina zalat al-shams, thumma ja'ahu al-asr. فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي فصلى الفجر حين برق الفجر. Donc ensuite le cheikh entre dans le sujet des heures, des horaires de prière. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit « Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta ». La prière est envers les croyants kitaban, c'est-à-dire obligatoire, prescrite, mawquta, pendant des heures bien précises. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre bien à la fois l'obligation d'accomplir la prière et également que cette prière doit être accomplie pendant des horaires bien précises. Et si quelqu'un vous demande quelle est la preuve de ces horaires dans le Coran et dans la Sunna, qu'est-ce que vous voulez répondre? Et quand on commence à citer une preuve, on commence toujours par le Coran. Si quelqu'un vous dit quelle est la preuve dans le Coran des horaires de prière, non. Le verset coranique, Allah dit: La preuve est le hadith et le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Aqim al-salah li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-fajr. Allah subhanahu wa ta'ala dit et accomplis la prière li duluki shamsi à partir du déclin du soleil. Le déclin du soleil, c'est-à-dire le zénith, c'est quand il est au milieu. Le déclin, c'est juste après le zénith. C'est quand le soleil redescend. Le déclin du soleil, c'est Az-Zawal. Les savants appellent Az-Zawal. Az-Zawal, c'est lorsque le soleil dépasse le zénith. À partir du moment où il dépasse le zénith, c'est là où il y a l'heure de Dhuhr. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala dit Aqim al-salah, accomplis la prière. Du déclin du soleil, les doloukes shamsi ila rasaqi al-layl. Ila rasaqi al-layl jusqu'à la nuit sombre. Jusqu'à la nuit sombre. Et quand est-ce que la nuit est le plus sombre? Au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est le moment où la nuit est la plus sombre. Wa Qur'an al-fajr. Et le Coran du fajr. Et les savants ont dit wa Qur'an al-fajr, c'est-à-dire Salat al-fajr. Qur'an al-fajr dans ce verset, c'est Salat al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Et le Coran du fajr, c'est-à-dire la prière du fajr, est témoin. Yani, il y a des témoins qui assistent. Des témoins qui sont les anges. Les anges assistent et témoignent de ceux qui prient Salat al-subh. Non. Que ce soit ou à la mosquée ou à la maison, ou que ce soit vraiment à la mosquée pour que les anges témoignent. Voilà. Et la base pour l'homme, c'est la mosquée, pour la femme, c'est chez elle. Il n'y a pas l'endroit bien précis. Et dans ce verset, voyez, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit l'idolou qui shams, du déclin du soleil jusqu'au milieu de la nuit. Ça englobe combien de prières? Quatre prières. Lesquelles? Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa Qur'an al-Fajr. Wa Qur'an al-Fajr. Et la prière du Fajr. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a séparé les quatre avec Al-Fajr? Les quatre, il les a cités dans un même laps de temps, et Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité séparément. Pourquoi? Qui connaît la hikmah? Non, pas au niveau de l'importance. Bonjour. Non. Est-ce qu'il y a un déclin qui se fait? Non. La réponse, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a cité les quatre prières qui se suivent. Al-Dhuhr, juste après Al-Dhuhr, qu'est-ce qu'il y a? Al-Asr, juste après l'heure de l'Asr. Al-Maghrib, juste après l'heure du Maghrib. Juste après l'Isha, il n'y a rien. Et avant Al-Dhuhr, avant Al-Dhuhr, il n'y a rien. D'accord? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces quatre prières, et ce laps de temps qui englobe quatre prières, car les quatre prières se succèdent les unes après les autres. Et concernant Al-Fajr, il y a une période avant où il n'y a pas de prière. On parle de prière obligatoire, et il y a une période après Al-Fajr où il n'y a pas de prière. D'accord? C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa Qur'an Al-Fajr, et la prière du Fajr. Non. Mais c'est sur la durée, sur le laps de temps, en fait. Sur le fait que les quatre prières se succèdent, les unes après les autres. Lorsque la prière rentre, lorsque, par exemple, l'heure de Dhuhr sort, automatiquement, l'heure de l'Asr entre. Et lorsque l'heure de l'Asr sort, automatiquement l'heure de l'Maghrib entre. Et lorsque l'heure de l'Maghrib sort, automatiquement l'heure de l'Isha entre. Et lorsque l'heure de l'Isha sort, il y a un laps de temps jusqu'au Fajr. Et après le Fajr, il y a un laps de temps jusqu'au Dhuhr. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a séparé pendant dans son verset. طيب. Donc ensuite le cheikh a cité le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu qui dit que le prophète alayhi salam, que Jibril alayhi salam est venu vers le prophète alayhi salam et lui a dit lève-toi et prie, qum fa salli. فَصَلَّ الظُّهْرَ حِينَ زَلَتِ الشَّمْسِ. Et le prophète A.S. a prié à Dhuhr lorsque le soleil a dépassé le zénith, lorsque le soleil a commencé son déclin. ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرِ. Puis Jibril A.S. est venu au prophète A.S. à l'heure de l'Asr. Il lui a dit, lève-toi et prie. Le prophète A.S. a prié à l'Asr lorsque l'ombre de chaque chose était équivalente à cette même chose. Lorsque l'ombre de la chose était équivalente à cette même chose. L'ombre d'un bâton est à la même longueur que le bâton. L'ombre de la personne a la même ombre, a la même taille que la personne. Summa ja'ahu al-maghrib. Puis Jibril alayhi salam est venu vers le prophète alayhi salam à l'heure du maghrib. Il lui a dit qum fasalli. Lève-toi et prie, c'est-à-dire prie al-maghrib. Et le prophète alayhi salam fasalla al-maghrib hina wajabat ash-shams. Et le prophète alayhi salam a prié al-maghrib lorsque le soleil s'est couché. Hina wajabat al-wujub ay as-suqut. En arabe al-wujub, c'est-à-dire as-suqut, et là la signification c'est al-ghurub. Ghurub ash-shams. Lorsque le soleil s'est couché. Thumma ja'ahu al-isha. Puis Jibril alayhi salam est venu vers le prophète alayhi salam à l'heure du isha. Il lui a dit qum fasalli. Lève-toi et prie-le, prie al-isha. Le prophète alayhi salam a prié al-isha hina ghaba ash-shafaq. Lorsque le crépuscule a disparu. Lorsque le crépuscule a disparu. Non. Le crépuscule al-shafaq en arabe, al-shafaq shafaqan. Il y a deux crépuscules. Shafaqun abiyad wa shafaqun ahmar. Il y a le crépuscule blanc et le crépuscule rouge. D'accord ? Le crépuscule, c'est la lueur que vous voyez lorsque le soleil se couche. Vous voyez une lueur rouge, rougeâtre, au-dessus et à l'horizon. D'accord ? Tant que cette lueur rougeâtre est présente, c'est l'heure du maghrib. Lorsque cette lueur rougeâtre, lorsque le crépuscule rouge disparaît, l'heure du maghrib est passée. Non, il y a le crépuscule blanc. Le crépuscule blanc, la ibrat lah. Le crépuscule blanc, il ne doit pas être pris en considération. Le crépuscule blanc, il dure beaucoup plus longtemps que le crépuscule rouge. Le crépuscule rouge, il y a la lueur rouge, les savants l'estiment. Et moi j'ai entendu des savants dire que c'est à peu près 45 minutes. D'autres savants dire que c'est à peu près une heure. D'autres savants disent que c'est à peu près une heure et demie. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit c'est une heure et demie. Cheikh Al-Albani rahimahullah, je l'ai entendu dire sa'a, c'est une heure. Cheikh Muqbir rahimahullah dit 45 minutes. Et en fonction des pays, le crépuscule dure plus ou moins longtemps. L'heure du maghrib dure plus ou moins longtemps. Et le crépuscule blanc, il peut durer jusqu'à le premier tiers de la nuit. Le crépuscule blanc, si vous voyez, bon, c'est vrai qu'ici on peut voir, il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse, parce que à notre époque il y a beaucoup de pollution lumineuse. Les villes sont tellement illuminées qu'on a du mal à regarder, à voir al-shafaq al-abiyad, le crépuscule blanc. Le crépuscule blanc, c'est une lueur blanche qui reste du côté du coucher du soleil, l'endroit où le soleil s'est couché. Vous allez voir une lueur blanche, comme si le soleil ne s'était pas couché, alors qu'il est couché. Et ce shafaq, l'abiyad, il peut durer jusqu'à le premier tiers de la nuit. Et il peut durer très longtemps. D'accord ? Et ce crépuscule ne doit pas être pris en considération. La personne ne doit pas dire, non, c'est bon, je vois encore la lueur, donc c'est bon, je ne prends pas pris le maghrib. Alors qu'il est minuit. Après, il est minuit, c'est bon, le maghrib, il est passé. Non. Al-ibra bi al-shafaq, al-shafaq, Al-Ahmar, le crépuscule rouge. Non. Il avait une question vraiment à ce moment-là. Non, c'est bon, la réponse. Non. Mais quand l'Ahmar il passe, ça fait. L'Aïcha avance. Non. Ça fait 45 minutes, dans certains pays, 45 minutes, l'Aïcha est en route. Certains pays, non. Thumma, donc, le prophète al-Sallam, fassal al-Aïcha hina ghaba al-Shafaq. Lorsque al-Shafaq a disparu. Parce que le crépuscule rouge a disparu, le prophète a prié à l'Aïcha. ثم جاءه الفجر فقال له قم فصلي فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر. Et puis Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salam à l'heure du fajr et lui a dit prie al-fajr. Et le prophète alayhi salam a prié al-fajr lorsque l'aurore est apparue. حين برق أو سطع الفجر, lorsque l'aube est apparue. Et al-fajr, les savants disent al-fajr ou fajran. Donc al-shafaq, shafaqan, le crépuscule, il y en a deux. Ou al-fajr ou fajran. Fajr صادق ou fajr كاذب. Il y a deux fajr, deux sortes d'aubes. Il y a la première aube qui est l'aube que les savants appellent al-fajr al-kadhib, l'aube trompeur. Ou l'aube trompeuse en français. L'aube trompeuse, les savants disent, il y a trois différences entre al-fajr al-sadiq ou al-fajr al-kadhib. Il y a trois différences. Ce qui distingue al-fajr al-kadhib, l'aube trompeuse, c'est que les lueurs sont mustatila, que les lueurs sont verticales. D'accord ? Et la lueur ne couvre pas l'horizon. La deuxième différence. Et la troisième, وَيَأْتِيهِ ظُلْمَهِ وَيَلِيهِ ظُلْمَهِ. Et après cette lueur, il est suivi ظُلْمَهِ, il est suivi la nuit, et la nuit revient. Et ça, les savants disent هَذَا فَجْرٌ كَاذِبٌ, ça c'est الفجر الكاذب. وَالْفَجْرُ الصَّادِقُ, l'aube véritable, véridique, c'est une lueur blanche qui couvre l'horizon, qui est horizontal, qui couvre l'horizon du nord au sud. Parce que le soleil, lorsqu'il se lève, il se lève où? Donc on disait le fajr al-sadiq, le fajr, l'aube véritable, l'aube véridique, c'est une lueur blanche qui couvre l'horizon du nord au sud. Parce que le soleil, lorsqu'il se lève, il se lève où? Il se lève à l'est. Il se lève à l'est. Il se lève pas au sud. Hein. Sur Terre, en tout cas, il se lève pas au sud. Le soleil se lève à l'est. Il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc lorsque tu as l'aube devant toi, lorsque tu as l'endroit où le soleil se lève, donc tu as l'est en face de toi. Tu as l'est en face de toi. Et tu as le sud à ta droite et le nord à ta gauche. Donc l'horizon, elle va du nord et elle finit au sud. Et en face, au milieu, tu as l'est. Non. Donc ça c'est al-fajr al-sadiq. Et al-fajr al-sadiq, la yalihi dhulma. La vraie aube n'est pas suivie de ténèbres. Yani, la lueur blanche, elle ne s'arrête plus jusqu'au lever du soleil. Yani, il n'y a plus de nuit qui revient après. Contrairement à al-fajr al-kadhib. Al-fajr al-kadhib, on a dit, les lueurs sont comme des traits verticaux. D'accord ? La lueur ne couvre pas toute l'horizon et elle est suivie par une partie de la nuit encore. Donc ça, c'est al-fajr al-kadhib. Non. Il y a combien de différences entre les deux ? Allah, je ne sais pas combien de différences en temps il y a entre al-fajr al-sadiq et al-kadhib. Allah a'lam. Est-ce que les calendriers qu'on a en France, on peut s'y fier au niveau des calendriers? Allah a'lam. Il y a une personne, ça c'est une chose qu'il faudrait qu'on fasse, c'est de prendre un jour, de sortir dans la campagne et puis de regarder l'horizon jusqu'à ce qu'on voit al-fajr al-sadiq. Et de regarder l'heure à peu près et d'estimer à peu près le calendrier qui est le plus proche de la réalité. C'est comme le Maroc. Hein? Moi j'habite en hauteur, je vois le Maroc. Non. Il se couche à 45. Et dans certains mesjids, ils le font à 5h, 5h05, ils font le Adhan. Ça fait qu'il y a un temps exagéré, tu sais, entre les. Et mais comment tu sais le soleil quand est-ce qu'il se couche? Je le vois à l'horizon. Est-ce qu'on peut se faire une vue au soleil? Bien sûr, tu peux te faire ta vue. Les hadiths du prophète, les savants, lorsqu'ils expliquent, c'est justement pour que ça te soit utile. Si on dit ça, justement, c'est pour que ça te serve. Non, c'est par rapport à la mosquée, il fait nuit. Il fait nuit, mais attention, j'ai dit, il y a la pollution lumineuse. Yani les villes sont tellement éclairées que le ciel, tu vois plus le ciel comme il est en vérité. Les étoiles, on les voit même plus à notre époque. Même les astronomes, tu sais, se plaignent de la pollution parce qu'ils ne peuvent plus regarder les étoiles comme ils le veulent. Ils sont obligés d'aller dans des endroits isolés pour pouvoir regarder les étoiles en toute tranquillité. Ah, mais dans les villes, on n'y pense même plus. Les étoiles, c'est bon, tu les vois plus. Hein? Quand tu vas à la campagne, au bled ou autre, tu regardes le ciel, tu te dis, subhanallah, on n'a pas le même ciel au Maroc et en France. Non, c'est la. Subhanallah, c'est. Donc, ça, c'est vrai que ça influe beaucoup même sur l'heure de le faire gérer. Tu vois l'horizon, tu vois de la lumière, mais c'est la lumière des lampadaires, c'est pas la lumière du soleil. Non. C'est mieux de prier le plus tard possible, de prendre la mosquée qui prie le plus tard possible pour le faire. Tu peux aussi. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Tu es sûr de prier à l'heure. Tu es sûr de prier à l'heure. Et si tu as une mosquée qui est à côté de chez toi et qui prie avant, et c'est bon, si tu pries quand même. Tu vas prier dans la mosquée. Le Cheikh Labani dit ça. Tu pries dans la mosquée, même si tu sais qu'ils font un avant, et ensuite tu retournes chez toi et tu refais ta prière à l'heure. C'est ce qu'il faut en Algérie. Comme ça, nous, où j'habite, tous les frères, la plupart des frères, tout ça. D'abord, ça va, Inch'Allah. Taïm aussi de continuer le hadith, parce que le hadith il n'est pas fini. Donc là, en fait, le hadith se divise en deux. La première partie que l'on vient de citer, où Jibril alayhi salam est venu informer du début de l'heure de chaque prière au prophète alayhi salam. Ensuite, Jabir ibn Abdullah continue le hadith, puis il dit Summa ja'ahu min al-ghad. Puis Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salam le lendemain à l'heure de Dhuhr. فقال له قم فصلي قم السلام فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله جبريل عليه السلام أجيب قوة عليه السلام prie lève-toi et prie à الظهر قوة عليه السلام a prié à الظهر lorsque l'ombre de chaque chose était égale à cette même chose حين صار ظل كل شيء مثله. Puis Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salam à l'heure de l'asr. Faqala qum fasalli. Fasalli al-asr hina sara dhillu kull shay'in mithlayhi. Puis Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salatu wassalam à l'heure de l'asr et lui a dit lève-toi et prie al-asr. Fasalli al-asr, le prophète alayhi salam a prié al-asr lorsque l'ombre de chaque chose était le double de cette même chose. Lorsque l'ombre de la chose était le double de cette chose. L'ombre d'un bateau, l'ombre d'un bâton, était le double de la longueur de ce bateau. La longueur de l'ombre était le double de la longueur réelle du bâton. La longueur de l'ombre de la personne équivaut au double de la longueur de la personne. Vous avez compris ? À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Al-Asr. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. Puis il est venu à l'heure du Maghrib à la même heure, sans venir ni avant ni après. Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain à la même heure du Maghrib qu'il est venu la veille. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جدا. Donc ensuite Jibril alayhi salam est venu vers le prophète alayhi salam à l'heure de l'Isha, lorsque la moitié de la nuit a été entamée, lorsque la moitié de la nuit a été dépassée, lorsque la moitié de la nuit a été dépassée. أو قال ثلث الليل ou là il y a un doute du rawi, ou bien lorsque le premier tiers a été dépassé. Fassamma al-Isha, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à l'Isha. Thumma ja'a hina asfara jidda, puis Jibril alayhi salam est venu lorsque le soleil était très jaunâtre, c'est à dire juste avant qu'il se lève. Faqala qum fasalli, fassalla al-fajr, puis Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam lève-toi et prie Al-Fajr. Le prophète sallam a prié Al-Fajr. Thumma qal, puis Jibril alayhi salam a dit ma bayna hadhayni al-waqtayni waqtun, entre ces deux heures, il y a l'heure. Entre ces deux heures, c'est l'heure de la prière. بين هذين الوقتين, entre ces deux tranches d'heures, il y a l'heure, c'est-à-dire l'heure de la prière correspondante. L'heure de la prière correspondante. قال الترمذي قال محمد يعني ابن اسماعيل البخاري الصح شيء في المواقيت حديث جابر. Et l'imam al-Tirmidhi rahimahullah a dit, a rapporté la parole de l'imam al-Bukhari rahimahullah, qui dit le hadith le plus authentique rapporté en termes d'heures de prière est le hadith de Jabir, le hadith que l'on vient de citer. طيب, ensuite يقول المؤلف أولا الظهر وقته من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. Donc ici le cheikh fait une synthèse, il dit al-dhuhr, l'heure de dhuhr, c'est du déclin du soleil après le zénith. Min zawal ash-shams ila an yasira dhillu kulli shay'in mithlah. Donc l'heure du dhuhr, c'est du déclin du soleil, à partir du moment où le soleil commence à descendre du zénith, jusqu'à ce que l'ombre de la chose équivaut à cette chose, jusqu'à ce que la longueur de l'ombre est égale à la longueur de la chose, de cette même chose. Donc ça c'est l'heure de Dhuhr. Et Zawal al-Shams, comment est-ce que l'on peut repérer le déclin du soleil? Al-Zawal, Zawal al-Shams. La chaleur. Non, pas la chaleur. Presque l'ombre la plus petite. Les savants disent que le zénith, lorsque le soleil est au zénith, et tu plantes un bâton par terre. Théoriquement, si le sol est droit, si tu as bien planté ton bâton, le bâton normalement n'a pas d'ombre. Normalement, le bâton n'a pas d'ombre, ça c'est quand le soleil est au zénith, est au-dessus du ciel, au-dessus de nos têtes. Le soleil est au-dessus de toi, normalement, il n'y a pas d'ombre. D'accord ? À partir du moment où le soleil lorsqu'il se couche, on a dit, à l'ouest, il se lève à l'est, il monte au-dessus du ciel, au-dessus de nos têtes, et ensuite il redescend vers l'ouest. Lorsque le soleil descend vers l'ouest, l'ombre du bâton va être où? Hein? Elle va être à l'est. Et le soleil sera à sa gauche, à la gauche du bâton, donc l'ombre sera réfléchie sur la droite. D'accord. Donc il y a deux solutions. Soit le bâton est bien planté dans une terre droite, dans ce cas, il n'y a pas d'ombre. À partir du moment où tu vas voir apparaître ne serait-ce qu'un millimètre d'ombre à droite, parce que le soleil va descendre, l'heure du dhuhr rentre. Et lorsque tu plantes mal ton bâton, et lorsque ton bâton tu le plantes, mais tu vois qu'il y a quand même, on va dire, 2 cm d'ombre, alors que le soleil est au zénith, les savants disent, pour reconnaître le zénith, l'ombre elle va diminuer, jusqu'à un moment, elle ne va plus diminuer. Elle va s'arrêter de diminuer. Et ensuite, lorsque le soleil va dépasser le zénith, l'ombre va commencer à grandir. Et toi, lorsque tu vas voir que l'ombre arrête de diminuer, il faudra faire un trait, une marque sur le sol, au niveau de cette ombre. Une marque, tu repères que l'ombre, elle a arrêté de diminuer jusqu'à cet endroit. Et quand tu vas voir que l'ombre va commencer à dépasser cette marque, c'est-à-dire que le soleil a dépassé le zénith, dakhala al-dhuhr. Non, mais ça c'est une explication que Cheikh Labani rahimahullah a apportée. Non. Quand il y a des nuages, là c'est autre chose. Quand il y a des nuages, tu utilises ta montre. Allah alam, je ne sais pas autant du prophète al-Hassan comment il faisait lorsqu'il y avait. Lorsqu'il avait de l'ombre, lorsqu'il avait des nuages, je ne sais pas. طيب العصر ثانيا العصر وقته من سيرورة الظل مثله إلى غروب الشمس. Et l'heure de l'asr, c'est à partir du moment où l'ombre de la chose est égale à cette même chose jusqu'au coucher du soleil. Non. Si j'ai fini. Et le dhuhr, c'est du zawal du déclin du zénith jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose soit à la même taille de cette chose. D'accord ? Jusqu'à l'ordre de l'Asr. Ça, c'est la fin de l'Dhuhr. Et la fin de l'Dhuhr correspond au début de l'Asr. Parce qu'on avait dit, les prières là, se suivent les unes après les autres. Et l'Asr, donc ça commence à partir du moment où l'ombre. Non. À partir du moment où l'ombre est égale à la chose, là, c'est le début de l'Asr. La fin de l'Dhuhr, le début de l'Asr. Il a غروب الشمس, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que le soleil se couche. Et les savants ont séparé concernant Al-Asr. Ils ont dit Al-Asr, il y a deux types d'horaires du Asr. Il y a وقت الأداء ووقت الضرورة. وقت الأداء ووقت الضرورة. La première période de l'heure de l'Asr, c'est la prière, l'heure obligatoire où on doit faire. L'heure al-Asr, c'est du moment où l'ombre est égale à la chose, d'accord, jusqu'à ce que le soleil devienne jaunâtre. Il est un tasfar. Parce qu'il y a un hadith du Prophète sallam qui interdit de faire al-Asr après que le soleil commence à devenir jaunâtre. Ba'da asfirar al-shams. D'accord. Donc entre ces deux horaires, il est obligatoire de faire al-Asr. D'accord ? Il est obligatoire de faire al-Asr. Et les savants donnent deux types de façons de reconnaître cette horaire obligatoire. Premièrement, soit lorsque le soleil devient jaunâtre, ou bien, comme il est dit dans le hadith, lorsque l'ombre de chaque chose est le double, lorsque l'ombre est le double de la chose, lorsque la longueur de l'ombre correspond au double de la chose. D'accord ? Là, ça c'est waqtu. C'est l'heure obligatoire dans laquelle Al-Asr doit être fait. Et ensuite, il y a waqt al-darura. L'heure de dernière, on va dire l'heure de dernier recours. Pour celui qui a eu une darura, qui a eu un cas qui l'a empêché, un empêchement, légiféré, un empêchement shar'i, qui l'a empêché de faire Al-Asr. Avant que le soleil soit jaunâtre. وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. Et l'heure, cette heure critique, on va dire, c'est entre le moment où le soleil commence à devenir jaunâtre, ou bien lorsque l'ombre est le double de la chose, jusqu'au coucher du soleil. Non. C'est pour cela que le cheikh ici a dit que وقت العصر, c'est du moment où l'ombre est égale à la chose jusqu'au coucher du soleil, parce que c'est effectivement وقت العصر. Mais ensuite, il va citer le hadith où le Prophète sallam interdit de faire al-Asr après que le soleil devienne jaunâtre. Non. Est-ce qu'on pourrait dire que celui qui n'avait pas de daroba, sa salat elle est batala? Non. Non, parce qu'il est toujours dans waqt al-Asr. Sa prière sera acceptée, lakinahu athim. Mais il a fait un péché. Non, il a fait un péché. طيب المغرب وقته من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق. لقوله عليه الصلاة والسلام وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. Et la prière du Maghrib, elle commence du coucher du soleil jusqu'à la disparition du crépuscule. On a dit le crépuscule blanc ou rouge? Rouge. Et le crépuscule, c'est la lueur rougeâtre qu'il y a à l'horizon au moment du coucher du soleil. La preuve est le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, hadith jugé bon, rapporté par Muslim et Abu Daoud, où le prophète alayhi salatu wasalam a dit l'heure du Maghrib, salatul Maghrib ma lam yarib al-shafaq, l'heure du Maghrib est jusqu'à la disparition du crépuscule. L'heure du Maghrib est jusqu'à la disparition du crépuscule. Rabi'an al-isha waqtuha min ghayab al-shafaq ila nisf al-layl. Et l'heure de l'isha, c'est de la disparition du crépuscule jusqu'à la moitié de la nuit. لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط إلى نصف الليل الأوسط. Et après le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام qui dit l'heure de l'عشاء est jusqu'à la moitié de la nuit. Et الأوسط, les savants disent الأوسط أي الأول النصف الأول النصف الأول, parce que les moitiés il y en a deux, première moitié, deuxième moitié. Tu as compris? Quand tu prends une chose, il y a deux moitiés. Tu as la première moitié, deuxième moitié. Quand tu dis jusqu'à la moitié de la nuit, tu peux très bien comprendre la deuxième moitié. Moi, la moitié de la nuit, c'est la salade soupe, puis le marais, c'est là la moitié. Ouais, mais tu peux aussi comprendre première moitié, deuxième moitié. Il y a deux parties. Ça dépend comment tu comprends moitié. Moitié, tu peux comprendre comme Al-Had al-Fasil ou bien moitié. Fahim, c'est pour ça que le Prophète a dit il a nusfi layli al-awsat, yani au milieu. La première moitié, jusqu'à la fin de la première moitié. Est-ce que c'est vrai que le meilleur moment pour ça de l'Aïcha, c'est la seule prière ou c'est au dernier moment? On va citer Inch'Allah ça. Ça vient pour l'instant à chaque chose en son temps là. خامسا الفجر وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس حديث حسن رواه مسلم وابو داود والنسائي. Et cinquièmement, la prière du Fajr, son heure est du lever de l'aube, de l'apparition de l'aube, طلوع الفجر. Donc on a donné la différence entre الفجر الكاذب et الفجر الصادق, entre l'aube trompeuse et l'aube afwan véritable. Donc Al-Fajr commence de l'apparition de l'aube véritable jusqu'au lever du soleil. Jusqu'au lever du soleil. La preuve est le hadith du prophète alayhi sallam, l'heure de Salat al-Subh. Donc vous voyez, si le prophète sallam a utilisé le terme Subh, dans d'autres hadiths il utilise le terme Al-Fajr. Donc ici le prophète alayhi sallam a dit waqtu salati subhi min tulu'i al-fajr ma lam tatlu'i ash-shams, l'heure de salat as-subh et de l'apparition de l'aube jusqu'au lever du soleil. Hadith bon rapporté par Muslim, Abu Daoud et Nasa'i. Est-ce qu'on peut dire que le soleil s'est levé? Maintenant le soleil est là, s'il arrive là par exemple au milieu, ah s'il est levé, il est levé. Tant qu'on voit un petit peu, tant que tu le vois, tant qu'il commence à apparaître, il est levé. Pour que le disque apparaît complètement, non. À partir du moment où tu vois le soleil, khalas, il est levé. Quand est-ce que tu vois que le soleil est couché? Quand tu le vois plus. Quand est-ce que tu vois qu'il est levé? Quand tu le vois. C'est tout simple. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.